une fois. Un jeune partagé entre la faute et la foi. Bicrave la faune et la flore. Il fait les deux à la fois. J'ai commencé tout seul, on sera pas deux à la fin. On sera pas deux à l'avoir. On sera pas deux à le faire, frère. On sera pas deux à l'avoir. Il était une fois un jeune rebelle d'herbelle. Bicrave la dope qu'on me ramène. Mon destin me fait ramer, mais j'abandonne jamais comme mon frère Mohamed. Je veux un palais tout de suite, Monica Bellucci, que la cam arrange tout. Dans le panier trop cheat, je te raconte la routine, t'as le chaperon rouge, hein. On veut faire les sous, les faire sans se griller. Ils veulent faire les sourds, mais le sang scié. Sans cesser, j'ai rempli le cendrier. Sensation quand je me tapais Cendrillon. Détenteur du secret, un grand silence. Rechercheur de flots avec 100 syllabes. Préméditeur et d'assassinat. On cherche un remède avec du poison. Empoisonne nos corps avec la boisson. Je remercie les grands qui m'ont tabassé. J'ai de la haine pour ceux qui sont pas patients. Je peux pas raconter tout ce qui s'est passé. J'ai de la honte, de la colère et de la passion. Mais y'a certains trucs qui sont pas passés. Tout ça n'a rien d'un conte de fées, ouais. Les jeux sont faits, j'attends les comptes. Tout ça n'a rien d'un conte de fées, ouais. Tout compte fait, je veux mon T1. Comme tout le monde veut mon R1. Pas les couilles si ça m'aime.